Cette vie nous rend réaliste et cette vision commune triste que ce pays nous marche dessus, ce monde. Être fait d'images trompeuses, on nous laisse croire que l'égalité entre êtres humains existe. J'y crois pas, eux t'y écoutent quand je te dis écoute. Si t'as des doutes, c'est ton droit, mais dis-toi que tout le monde n'est pas riche. Oui, beaucoup se débrouillent comme toi pour quelques mille par mois. T'inquiète, reste fort, tu peux faire mieux, Dieu te voit, moi aussi. Claque la porte aux faux amis, t'avances pas, surtout pas avec eux, et tu verras, ça ira mieux. Blague pas, combien reste près de toi quand tu te sens mal, faut que les prises de tête. On veut s'éclater, devenir bête avec les mêmes remèdes. La famille, la musique, la copine, les soucis prennent le dessus. Les pensées se noirent, c'est nos joies. Une fois, une deux fois, faire avec, n'oublie pas. Retourne-toi, ne fût-ce qu'une fois. La tension monte, on vit en surnombre, et nos frères tombent, les esprits grondent. Les apaiser aujourd'hui, impossible. Pas perdre une seconde, pas surprendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. La tension monte, on vit en surnombre, et nos frères tombent, les esprits grondent. Les apaiser aujourd'hui, impossible. Pas perdre une seconde, pas surprendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. J'y viens parler de tous mes refrains. Ils sont dégoûtés et veulent tous se révolter. Voilà pourquoi c'est la guerre, c'est une question de monnaie. Ils se mettent à dealer et se mettent tous à magouiller. Voilà pourquoi que les jeunes des cités sont enfermés. À cause des Yankees, ils se sont fait balancer. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes qui se font sauter. Rien à faire, rien à dire, alors fais-toi respecter. La tension monte, on vit en surnombre et nos frères tombent. Les esprits grondent, les apaiser aujourd'hui impossible. Pas perdre une seconde, pas se prendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. La tension monte, on vit en surnombre et nos frères tombent. Les esprits grondent, les apaiser aujourd'hui impossible. Pas perdre une seconde, pas se prendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. Dans le quartier, la tension monte et rien n'a changé. Toujours les mêmes rengaines, les mêmes dégaines, les mêmes qui traînent à force de rouiller. L'espoir s'estompe, les esprits grondent et nos frères tombent. Certains succombent, d'autres finissent derrière les barreaux. Chaque jour que je souris, la misère gagne du terrain. L'indifférence forge la différence. Le chômage est devenu une gangrène. Nos frères s'enlisent, les âmes aiguisent, les attitudes s'attisent. On maîtrise juste un regard pour mieux se comprendre. La tienne comme la mienne, deux visions se croisent, c'est la foi. On maîtrise pas grand chose, on débarque, on bave notre rage. Crache sur personne, marche sur personne, soupçonne personne. Accuse encore moins, mais quand il faut, faut savoir se faire entendre, quelle que soit la voie choisie. Faut se battre pour ce que t'aimes, faut pas lâcher l'affaire. Je vois trop de frères tomber pour une mince affaire ou rester affalé à ne rien faire. Faut faire taire les médisants partisans du FN. La tension monte en un trait et ça tu le sais. La tension monte, on vit en surnombre et nos frères tombent. Les esprits grondent, les apaiser aujourd'hui impossible. Pas perdre une seconde, pas surprendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. La tension monte, on vit en surnombre et nos frères tombent. Les esprits grondent, les apaiser aujourd'hui impossible. Pas perdre une seconde, pas surprendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. La tension monte, on vit en surnombre et nos frères tombent. Les esprits grondent, les apaiser aujourd'hui impossible. Pas perdre une seconde, pas surprendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible. La tension monte, on vit en surnombre et nos frères tombent. Les esprits bronzent, les apaiser aujourd'hui impossible. Pas perdre une seconde, pas se prendre pour cible. Rester invisible, une chose impossible.